Yeah. T'es un aussi de gros chien, pis j'pensais que t'étais la mienne. Des queues t'as sauté des dizaines, tu m'as pris, tu vas te faire péter la scène. Attends pas que j'devienne colisse, des coupes ça se veut pas quelques mots cris génique. Quatrième petit dispute, tu vas me crisser la paix. Hey, tu joues à l'indifférence, pour toi je ne sais que bouge trop. Pendant ce temps-là, j'attends, tu vas te faire péter trop. À ça, j'crois pas pourquoi ils te prennent pour une chaîne, t'es à 4 patentes, des socs, pis toi tu fais ta haine. Qu'est-ce qu'un bug ferait pas, juste pour avoir tes yeux. Manipulatrice, c'est ton deuxième nom, je dis pas de la merde. Mais attends pas que je te mette mes deux doigts dans ta chatte. Dans quelques années, tu vas être tard, je vais avoir tourné la page. Et là, ce moyen, encore une fois, faut qu'on la fasse encore. Y'a beaucoup de monde qui connaissent pas la vraie histoire. Quand y'a un gars qui te plaît, toi tu fais ton petit tas de fait, tu fais comme si rien n'était. Yeah. Mais si j'ouvre ma gueule, tu vas mailler pour toujours. Y'a pas juste à moi, si j'ouvre dans ta toile, y'en a aussi d'autres. Mais eux, on en entend pas parler parce que c'est des objets. Tu utilises les gens le temps que tu trouves un fuckboy. Les riches qui ont du cash, c'est tout ce qui compte pour toi, ma tabarnak. Tu veux paraître bien, mais le monde se crisse de toi. Tu penses bien que tout le monde t'écoute, mais c'est dans ta tête que ça se passe. Pour moi, à ce temps, tu n'es rien d'autre que tout petit objet qu'on finit tous par perdre ta vie. Ben oui, tu m'as compris. Viens pas me chercher, je veux plus rien savoir de toi. Me touche même pas même si tu veux fourrer. Je pense que je t'ai assez donné de mon tape et tu m'as brisé plus qu'une fois. Mais je me raconte de ton vrai visage, ce n'est pour moi qu'une farce. Je comprends pourquoi le monde y t'aime pas. Mais tabarnak, après ça c'est toujours mon problème à moi. Tu t'en rendras peut-être jamais compte. Mais hey, ça se peut que tu perdes du monde, bitch. Bitch. Yeah. This.